mic sur ta FM cousin. Rap sérieux, beat dansant. Micro 1 de test dans les rues, ça teste dès l'âge de 15 ans. Les curés assassinent des mineurs. Les mêmes problèmes de race, sauf quand la musique crash des ghetto blaster ici. Le BLOC, 2000SC. Qui joue du scalpel dans cette merde, les routes sont tracées. Foutre une merde audible parmi ces diables qui nous enivrent. Je sais que la vérité fera de nous des hommes libres et égaux. On crée le scandale, miss. Bouge tes reins que ça passe comme un tube pour les dance floor. Glisse sans effort. La même clinique, le même groupe qui pète le score. Troisième millénaire de plus en plus fort. Le BLOC. Clinique tu connais. Laisse-nous passer. Ou reste couché. Au plus haut point on culmine. Vise nos sales mines. 2000 feux on s'illumine. Et mec mais ça pour nous que les quartiers s'animent. Les conflits cessent entre Mamadou et Salim. Écoute, dans l'obscurité, faudrait que la lumière s'allume. Assalam, j'ai rien du prophète, mon rap est béni. Ma vision se projette jusqu'à l'infini, mec. L'histoire se répète, ici ça pète comme en Tchétchénie, les cœurs saignent. Et dans les blocs, putain, ça l'arsène. Tous en chien dans ce putain de système. 666 dans le 18, ça me rend lunatique. Toujours les mêmes qui payent l'addition. J'exploite le mic comme Nike, exploite les gosses dans les rues de Taïwan, ouais. Les nerfs à vif, caisse brûlée dans les manifs. Ma génération grillée préfère cramer. Des spliffs, joint taille, on est high. Les scalpels sont dans les poches, fais gaffe à l'entaille. Le DLOC. Clinique, tu connais. Laisse-nous passer. Ou reste couché. Mec, bénis ma clique. C'est la si high kick sur la rythmique. On fait swinger les dancehall, tout 5 ouais. C'est la clinique. Mamacita, y'a des pointeurs sur Ipa Señorita. Laisse pas traîner tes gosses, c'est du vrai ça. Le BLOC, ouais. Boycott ouais. La CCNique. Le FBI, en passant par la BRB, ça piaille hein. Paraît-il qu'on est trop playa, ça caille hein. Le froid se dégage du mouvement parisien. Les violeurs sont dans la nature ouais. Et puis qu'on casse des voitures. Les toxicos saignent sur mon futur miss. Butterfly, on est high, pété au champagne. À l'heure où je te parle, y'a trop de gens qui crèvent la dalle. Ça crève les yeux, on crève l'écran. Y'en a qui jouent les stars au bain et certains deal. La cam aux enfants au fait. Tu ne m'as pas touché, on mettra ça plus tard. SC, signé la LC, ta bête noire et tu le sais. Le BLOC. Clinique tu connais. Laisse-nous passer. Champion numéro 1 de la boxe chinoise. Il s'appelle Matt Minik. Ouais,